Bonjour à tous et toutes et merci de rejoindre le 895 de Dio en ce jeudi 18 novembre 2021 pour cette émission spéciale, l'indicatif vous l'indique précisément, consacrée au Grémos, le troisième jeudi de chaque mois, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois qui réalise cette émission mensuelle, à nouveau cette saison 2021-2022, émission spéciale aujourd'hui. En présence de nombreux invités ici au micro et en studio pour représenter le Grémos, en sorte de porte-voix ce jour. Catherine Gauthier est avec nous, sociologue et membre actif du Grémos. Catherine, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Dio pour cette émission mensuelle qui va être consacrée à Trace, le réseau Trace, ce réseau pionnier créé au tournant des années 90-2000 qui met en lien intervention et réflexion autour de la mémoire et l'histoire des migrations dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un événement fort pour le réseau Trace, c'est une biennale qui est organisée régulièrement tous les deux ans. Et puis un autre événement fort cette rentrée 2021, c'est l'événement Images Migrantes qui s'est tenu en région lyonnaise pour l'essentiel, mais qui connaît sa déclinaison locale et départementale puisque deux rendez-vous sont en perspective cette fin d'année 2021. Fin novembre, le dernier week-end de novembre, du côté de Marcoux, dans la plaine du Forêt, avec le château de Goutelat, et Sarah Passerstrom qui est avec nous. Bonjour Sarah. Bonjour. Pour représenter le château de Goutelat et cet événement autour de l'hospitalité qui va être organisé les 26 et 27 novembre. Oui, c'est du 25 au 29 novembre. C'est même du 25, ouais. Qu'un petit avant-goût également proposé. Et puis également à tes côtés, la CIMAD et Marion Père qui est avec nous. Marion, bonjour. Bonjour. La CIMAD qui organise un événement là aussi annuel, c'est Migrants Scène, qui a lieu chaque année à partir du mois de décembre. Migrants Scène inclut cette année cet événement Images Migrantes et le réseau Trace associé nombre d'acteurs aussi locaux. Oui. Autour de cette question migratoire toujours, et cette déclinaison, comme je le disais, d'Images Migrantes proposée par Trace à Lyon en cette rentrée, septembre-octobre, qui va avoir lieu le premier week-end de décembre. Pour les dates exactes, Marion, ce sont les 3, 4 et 5 décembre. Mmh, en partie au Méliès pour une première soirée, mais pour l'essentiel sur l'amicale laïque de Tardy. On aura l'occasion là aussi de présenter cet événement, bien entendu, avec le réseau Trace largement représenté aujourd'hui, en la personne de Léla Ben-Sharif qui est avec nous. Léla, bonjour. Bonjour. Pour nous parler de Trace et Habiba également qui devrait nous rejoindre, qui vient de nouvellement rejoindre l'équipe et le réseau. Également en tout cas concernant aussi cette sorte de déclinaison locale finalement du réseau Trace qui intervient en région, on le disait, Auvergne-Rhône-Alpes, mais qui connaît un comité, on va dire 42 départemental assez actif avec bon nombre de propositions faites. Voilà pour l'essentiel menu contenu de ce programme aujourd'hui, dense, vous l'avez compris, on va tenter de présenter tout cela, Catherine. Oui, alors donc le Grémos tient des émissions tous les mois pour donner un petit peu l'actualité de ses activités et des activités de ses membres. Et tous les ans, on a l'habitude au mois de novembre de présenter les activités de Trace auxquelles on est associé. Parce qu'on partage des centres d'intérêt et des problématiques de réflexion communes, notamment autour de la question des migrations et de la question de la culture populaire, l'éducation populaire, le politique, la ville, etc. Et donc on est sur cette émission de présentation de ce festival Images Migrantes. Peut-être, Léla, que tu peux nous expliquer un petit peu très, très rapidement comment ce festival s'est mis en place, pourquoi, et puis surtout l'idée du festival cette année. Très bien. Merci, Catherine Gauthier, de présenter aussi, de nous rappeler qui est le Grémos, qui travaille sur des questions, des thématiques qui recouvrent complètement ce sur quoi le réseau régional Auvergne-Rhône-Alpes de Trace est engagé aujourd'hui. Alors, Images Migrantes, ce sera la deuxième édition cette année en 2021, sachant que la première a eu lieu en 2019. Le réseau Trace, on commence à bien le connaître localement et puis partout en Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. La reconfiguration de la géographie régionale a fait que désormais nous nous appelons Aura, parce que nous avons une belle aura et que bon, on relève bien d'Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui veut dire pour nous qu'on a un travail très important à faire pour mobiliser aussi des partenariats sur le territoire Auvergne, et ça marche et je trouve que ça marche très bien. Donc pourquoi Image Migrante? Image Migrante a été un coup d'essai lors de la première édition il y a 2 ans. Vous connaissez Trace par sa biennale, hein, depuis 2000, des rencontres qui sont plutôt un temps fort événementiel qui permettent de faire travailler ensemble une diversité d'acteurs associatifs, équipements culturels, laboratoires de recherche, etc., des acteurs collectivités territoriales, donc pour mettre en mouvement une belle scène, hein, mettre en mouvement et en visibilité une scène qui nous permet d'aborder les questions d'immigration au pluriel et de migration, parce qu'on ne saura, on n'oubliera jamais de dire que Trace travaille sur, certes, la mémoire, l'histoire des immigrations, mais elle interroge résolument le présent des migrations. On serait complètement à côté de la plaque si on ne s'intéressait pas aujourd'hui au contexte, par exemple, à la question des migrations internationales. Et loin de moi l'idée d'une crise migratoire, mais bien on s'intéresse par exemple aux crises, à la crise du non-accueil en Europe. Donc on avait créé cet événement biennal qui permettait de fédérer, mais il y a toujours un avant et un après biennal, c'est-à-dire qu'il y a une vie au sein de la bonne dynamique du réseau Trace, il y a une vie avant les biennales, après les biennales et l'interbiennale. On a créé ça il y a 2 ans, on s'est dit le lendemain d'une biennale Trace, on va créer un autre temps fort fédérateur et qui s'appelle Image Migrante. On le doit à Sébastien Escande, notre coordonnateur régional, qui est cinéphile, très engagé sur la question de l'image, réfléchi sur les représentations des images en lien avec les thématiques sur lesquelles nous bossons. Donc voilà, on a fabriqué un Image Migrante et on est content, un festival Image Migrante, et on est content aujourd'hui de savoir qu'il se décline. Et Lionel l'a très bien rappelé, ça n'aurait pas de sens de tout centrer nos événements sur Lyon. Du coup, il se passe des choses dans la Loire, à Saint-Étienne, à Boin, à Marcoux, mais il se passe des choses aussi à Valence. Il y a aussi une Image Migrante en Isère, à Grenoble, à Clermont-Ferrand, à Valence, à Lyon, à Vénissieux, etc., etc. Donc voilà, c'est juste un cadre d'action fédérateur et une formidable opportunité que de créer ces biennales ou interbiennales. Mais la réalité, c'est qu'il y a une vie avant et après chaque biennale ou interbiennale, qu'elle se nomme Image Migrante ou le jadis Forum Régional des Mémoires d'Immigrés. Donc voilà, c'est un cadre, une opportunité de plus que l'on saisit pour réunir toute la belle diversité d'acteurs qui font des projets, qui font débat, qui offrent du débat dans l'espace public sur les questions dites sensibles, et avec un superbe outil qui s'appelle le film, qu'il soit documentaire, film de fiction, et à chaque fois l'objectif c'est de l'image, du son, du débat et de la rencontre. Et de la belle rencontre, et surtout de la solidarité, on y reviendra tout à l'heure. Oui, donc en fait, l'Image Migrante est un événement à retrouver désormais annuellement. C'est l'intention, en tout cas, du réseau Trace. Oui. La biennale avait été un peu mise à mal sur son édition dernière, c'est-à-dire celle 2020, si je ne me trompe, se boucler de par la situation sanitaire que l'on connaît. Donc on imagine une édition 2022 possible. Là aussi, ça se projetait aussi loin, les points de suspension sont de mise, mais l'intention est celle-ci désormais. Une biennale régionale avec des centaines d'actions qui sont proposées partout en région, dans ces départements qui composent cette région Auvergne-Rhône-Alpes, où tous les membres du réseau se rassemblent pour proposer durant un mois des découvertes artistiques, mais des moments aussi de réflexion, d'échanges, de rencontres autour de ces questions-là. Image Migrante intervient aussi désormais en alternance, finalement, toujours sur chaque rentrée, finalement. Oui. Cette année, ce fut 50 films projetés autour de cette question migratoire, de la migration et de ses représentations, sur le Grand Lyon, dans d'autres départements, comme tu le disais, et puis donc à Saint-Étienne pour cet automne et cette fin d'année 2021. Oui. Alors, ça va être l'objectif. Et en veillant, bien sûr, à articuler aussi à rencontrer d'autres temps forts, historiquement forts, comme Migrants Scène, par exemple, hein, qui existe depuis plusieurs années, sur, très marqué sur le territoire régional. Et donc, en fait, Trace s'invite aussi dans cette diversité, cette multiplicité d'événements, comme le Grémos nous permet aussi de nous inviter dans des événements clés qu'ils organisent. Oui, c'est ça, en fait, l'idée de Trace et du réseau Trace, c'est de faire du lien entre des acteurs qui portent une réflexion sur les questions migratoires et en même temps de les mettre en lumière et de les solliciter aussi. C'est aussi une façon de stimuler la réflexion et les échanges sur le sujet. Et du coup, quand on a des acteurs de notre territoire qui ont des propositions fortes, eh bien, on s'associe, en fait, pour travailler ensemble ces temps forts et être dans cet échange-là. Donc, peut-être que, du coup, Marion, tu peux nous dire quelques mots sur Migrants Scène cette année, comment nous flirtons ensemble. Oui. Alors, je veux peut-être juste rappeler que la CIMAD, c'est une association nationale de défense donc du droit des étrangers. Alors, on a tout un volet défense des étrangers stricto sensu, avec des permanences d'accès aux droits, etc. Et on a une action dite sensibilisation qui nous paraît extrêmement importante, puisqu'on essaye de sensibiliser aux enjeux de l'hospitalité en France et à la question du vivre ensemble et du droit à l'égalité pour tous. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, tous les ans et depuis maintenant plusieurs années, la CIMAD, au niveau national, puisqu'on est une association nationale, décline au niveau local, en région, un certain nombre d'actions. Alors, pour nous, ça n'est pas que le cinéma, c'est aussi le théâtre, c'est aussi l'écriture, etc. Et on décline ensuite au niveau région un travail, enfin au niveau local, pardon, un travail donc d'un certain nombre d'animations et d'actions. Et on est très très content en fait de ce partenariat qui s'est mis en place donc sur Saint-Étienne, mais aussi ailleurs, donc avec Trace, avec le Château de Gouttelat, avec de nombreux partenaires, les Amicales Laïques aussi. Et pour nous, c'est vraiment absolument fondamental de ne pas rester dans notre coin et de pouvoir avoir cette complémentarité finalement avec l'ensemble des autres acteurs stéphanois ou autres. Voilà ce que je pourrais dire dans un premier temps. Je voulais juste peut-être rectifier, en fait, Migrants Scène, ça n'est pas seulement au mois de décembre, c'est novembre-décembre en principe. Et par contre, nous, on va largement dépasser, j'y reviendrai peut-être rapidement tout à l'heure, puisqu'on a des actions qui sont prévues aussi dans le deuxième trimestre 2022. Voilà. Merci Marion. Alors, il y a toujours des thèmes qui sont un peu plus forts chaque année dans les événements qui sont organisés, soit sur le Festival Images Migrantes, soit sur Migrants Scène. On essaye de donner des transversalités. Et alors, cette année, le Château de Gouttelat représente un thème fort qui est celui de l'hospitalité. Alors, Sarah, est-ce que tu pourrais nous donner un peu la genèse de votre projet? Oui, alors ce projet sur l'hospitalité à Gouttelat, il est né en 2019, puisqu'on avait déjà, à l'automne 2019, organisé des rencontres sur le thème de l'hospitalité et des migrations. Et c'est vraiment un double mouvement, vraiment un appel de toutes les associations locales, vraiment en milieu rural, autour de Bois-sur-Lignon. Il y a eu vraiment un mouvement citoyen très important avec l'arrivée d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile en 2016. Donc ça a posé plein de questions. Il y a eu beaucoup de mobilisation. Il y avait un besoin de réfléchir sur ces questions. Et puis aussi l'envie d'inviter des penseurs, des artistes qui pouvaient apporter des éléments de réflexion et débattre aussi de ces questions. Donc on a eu des rencontres en 2019 qui étaient assez classiques pour ce qu'on fait habituellement à Gouttelat, qui est donc un centre culturel de rencontres. Donc c'était plutôt des conférences, des débats, des spectacles. Et puis on a retravaillé un nouveau programme en 2020 avec Trace également, qui n'a pas pu avoir lieu. Et quand on a entendu parler d'images migrantes, ça nous a semblé aussi vraiment très intéressant d'aller vers cet outil du cinéma, de l'image. Ça nous permettait aussi à Gouttelat de renouer un peu avec ça, parce que Gouttelat a accueilli dans les années 70 un festival de cinéma un peu mythique qui s'appelait le Sissi. le congrès international du cinéma indépendant. Et on avait vraiment envie de reproposer des projections à Goutla en s'appuyant aussi sur un peu la force de notre lieu, puisque c'était un château du XVIe siècle, du coup avec plein de petits endroits, des chambres, des pièces qui nous permettent de partager une expérience de visionnage de films différente de celle d'un cinéma. On s'est quand même associé au cinéma L'Entracte à Bouin, parce qu'il y a certains films qui méritent vraiment un grand écran et une grande salle pour dévoiler tout leur potentiel. Mais du coup, on a continué à travailler cette thématique de l'hospitalité, du principe d'hospitalité, depuis 2019. Merci. Peut-être, Léla, tu peux nous redire un peu comment... les grands thèmes, en fait, qui traversent Images migrantes cette année. Très bien. D'abord, moi, je vais dire, avec pas mal de témoins autour de la table et... combien je suis heureuse de travailler avec le château de Goutla à Marcoux, un extraordinaire équipement, bel équipement culturel qui nous permet d'aller aussi voir du côté du milieu du rural, mais pas que, hein, c'est pas ça la vraie question. Moi, très sincèrement, j'ai découvert le travail du Pérou grâce au château de Goutla. Et il en sera beaucoup question ces prochains jours, avec la question centrale de l'hospitalité, qui reste un des fils conducteurs, les fils rouges clés de quasiment de toutes tous les événements de Trace, comme la question de l'hospitalité, et de fait aussi un fil rouge des événements de Migrants Scène ou d'autres événements en lien avec... la question du présent, oui, des migrations et de l'héritage des immigrations. Donc, bien sûr, les thèmes clés, parce que Catherine, tu as raison, bien sûr, il faut parler au pluriel, on a toujours cette question de l'hospitalité, accueil, non-accueil, la question de l'habitat, du bidonville, vivre à la rue jusqu'au bidonville, jusqu'à des foyers, d'hébergement, jusqu'au réseau d'hébergeurs citoyens qui pallient à l'inaction de l'action publique. Voilà, c'est la question de l'habitat, la question de la santé mentale, la question du travail. On avait abordé lors à Lyon, on a rencontré la question des femmes de ménage, de l'exploitation des femmes de ménage sans papier. On aborde la question du genre. Alors peut-être que la spécificité pour cette année, et je suis très heureuse de pouvoir dire qu'on a fait un travail aussi, on s'est mis en lien avec le réseau, l'association Face à Face, qui va ouvrir prochainement son festival. Et donc, on va aborder, Face à Face, c'est une association qui lutte contre l'homophobie et qui a un très beau festival de films, documentaires. Et donc, on va ouvrir, je ne sais plus quand est-ce, la première, ce sera au Méliès. Le vendredi 3 décembre. On va articuler immigration LGBT, lutte contre l'homophobie, et aborder la question aussi de l'homophobie ou de la présence d'hommes, femmes, mouvements issus de la LGBT, du monde social LGBT. Et je pense que c'est important aussi. C'est peut-être la spécificité. Mm-hmm. On retrouve sinon les thèmes classiques, bien sûr, travail, emploi, santé, engagement et lutte, engagement politique, engagement collectif, lutte sociale. J'apprécie beaucoup, à partir des propositions qu'ont fait les uns et les autres, notamment dans le département de la Loire, de faire un petit retour en arrière et de nous proposer des courts-métrages, du documentaire qui date des années 50, où on interroge déjà la question du rapport à l'altérité. Et puis, c'est pas parce qu'elle est là, et que c'est le Grémos qui nous invite, mais on a hâte de découvrir le travail. J'ai hâte de découvrir, comme beaucoup, le travail sur les kebabs, et que et qui nous propose peut-être de réfléchir que Catherine, je vais dire une connerie, va, t'inquiète pas, Catherine Gauthier, sur la kebabisation du monde, que je préfère loin de là à la zémorisation du monde et de la société. Donc, et en plus, on va manger du kebab, ça va être formidable. Parmi les thèmes aussi classiques, voilà, santé, habitat. J'insiste beaucoup sur la question des luttes sociales, parce que des formes traces, quel que soit l'événement que nous portons, nous avons à cœur, c'est de parler, de parler de ces formidables mobilisations collectives, ces formes d'engagement qui résistent dans ce climat incertain et tellement fatigant. J'en dirai pas plus. On fera une petite pause musicale, mais effectivement, je voulais rebondir sur ce que tu dis, Léla, et ça me fait penser que je pense que tout ici, autour de la table, nous avons à cœur d'être des porte-voix. C'est-à-dire que Trace, c'est pas du tout, et je sais que les travaux de la CIMAD vont dans ce sens-là aussi, on veut pas parler à la place. Voilà. Et il y a une, s'il y avait une posture particulière, je penserais à celle-ci. Une Trace, c'est née aussi de la mobilisation de gens issus de l'immigration. Hein, Léla, tu peux en témoigner, qui se sont emparés du sujet à un moment donné et qui ont dit « Bon, ben voilà, nous, on est en capacité de s'exprimer. On n'a pas besoin des autres pour le faire à notre place. Et on veut expliquer qui on est, comment on ressent les choses, travailler sur la question de la représentation. » Et donc, il me semble que c'est important de le dire parce que c'est une posture qui montre aussi que notre société est faite de ça et que l'éclairage, on peut le porter soi-même et le diffuser soi-même. Et donc, il y a des associations qui naissent de cette volonté. Alors peut-être qu'on peut faire une pause musicale. Voilà. On ne peut négliger en effet la dimension politique, et je crois qu'elle est ô combien importante, elle sous-tend aussi l'événement, et d'autant plus dans ce contexte actuel, particulier, avec aussi une échéance politique que l'on connaît, et où la thématique est fortement présente et discutée forcément. Léla évoquait déjà plusieurs points. Le Pérou, ce n'est pas le pays que tu as découvert par le château de Gutla. C'est un pôle d'exploration des ressources urbaines, parce que les gens derrière le poste ne savent peut-être oui, pas. Oui, c'est sûr. Un collectif invité déjà par le château de Gutla, qui va être présent fin novembre, notamment le 26 novembre, le vendredi, dans le cadre de cet événement fort Images Migrantes, regard sur l'hospitalité, donc sur la place des hospitalités, avec d'autres invités, des associations d'aide aux migrants de la Loire notamment, et qui ont assuré un travail de collecte de témoignages, hein, Sarah, et de cartographie réalisée par le collectif de graphistes stéphanois, la 171 Canon, et puis ces associations locales d'aide aux migrants de la Loire qui vont présenter, mettre en débat leur représentation et pratique de l'hospitalité. Ce sera le 26 novembre au soir, en rendez-vous expo-rencontre, finalement. Et puis, le château de Gutla a cette caractéristique de l'interdisciplinarité, finalement. Vous allez donc croiser aussi un regard artistique avec des artistes chanteuses notamment invitées. On va avoir l'occasion de les écouter et de l'écouter en l'occurrence, notamment toujours pour le vendredi 26 novembre, ciné-concert attendu, Sarah, du côté de Gutla, avec le concert de Shems, dont on avait déjà parlé sur cette antenne, qui avait fait l'objet d'un article dans la revue Écart d'identité. D'ailleurs, une artiste de la région lyonnaise, si je ne me trompe, et puis une autre artiste pour cet événement ciné-concert créé par une dizaine de personnes en demande d'asile, donc en partenariat avec l'Entraide Pierre Valdo, le collectif d'accueil des demandeurs d'asile de Bois et Noir-Étable, le Théâtre des Pénitents à Montbrison, qui notamment a accueilli ce travail en résidence, en atelier, animé par l'artiste Johanna, que l'on connaît ici depuis de longues dates, qui a aussi sévi dans plusieurs événements et festivals stéphanois notamment, qui a été artiste, qui est artiste compagnon du festival Polisson, donc à Montbrison, aux côtés de ses complices, artistes, musiciens, réalisatrices, Mathieu Gouste et Magali Laroche. On va écouter un petit extrait justement d'un de ses travaux en cours. Ça s'appelle Il y a quelqu'un. C'est du théâtre musical. Est-ce que c'est, Sarah, d'ailleurs, la proposition qui va être faite? Non, c'est pas la proposition, c'est pas celui-ci. Qui va être faite. Elle va être faite au Théâtre des Pénitents à Montbrison, voilà, je crois en janvier. Mmh. En tout cas, on écoute un extrait de Johanna sur ce travail d'atelier là aussi, finalement participatif. Oui. On écoute. Bien. Eh oh! Y'a quelqu'un? Une fourmi, mimi, mimi, mimi, mimi, si là. Fourmi, fourdo, four la fourmi. Fado, fané, sol, assiré, mi, remédé. Si le fardeau, pas si facile, un à plein d'eau. Mmh. Les yeux, la bouche, le nez, les oreilles. Non, les oreilles sont plus grandes. Voilà, comme ça. Il s'appelle. Il s'appelle pas. Il s'appelle pas. Il s'appelle Pan. Pan. Ma mâchoire d'un hachoir et ma bouche un entonnoir. J'ai la bête d'un dragon, c'est comme un gouffre sans fond. Ça peut paraître étrange, mais ce que je ne dis pas, je le mange. Parce que j'ai des trucs à dire, un secret à sortir. Des mots, des voix. Je mange tout ce que je ne dis pas. Afin d'apaiser mes angoisses, du feu et de la glace. Au lance-pierre en cachette, sans réfléchir, les deux pieds dans l'assiette. Chut, Anna. Quelqu'un, on est là et Johanna est là aussi, extrait de ce spectacle. Il y a quelqu'un, travail en cours, une résidence au pénitent, c'était en avril dernier, rendu de résidence, c'était il y a très peu, il y a 8 jours, du côté du train théâtre à Valence. Et Johanna, avec ses mêmes complices artistes, va proposer, on le disait, eh bien ce ciné-concert qui est prévu le vendredi 26 novembre prochain. À partager l'affiche avec Shems, d'ailleurs, ce sera au château de Goutla pour ce week-end Images Migrantes, regard sur l'hospitalité. Vous êtes bien dans l'émission du Grémos, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois, avec Catherine Gauthier avec nous et de nombreux invités, la CIMAD, le réseau Trace, le château de Goutla, pour évoquer cet événement Images Migrantes, décliné en deux finalement sur le département de la Loire, après un rendez-vous lyonnais à la rentrée. Ce sera du côté du château de Goutla fin novembre et puis du côté de Saint-Étienne début décembre prochain. Catherine. Oui, alors du coup, on va essayer de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, Sarah, pour ce qui concerne les événements qui se déroulent au château de Goutla et à Boin. Oui. Voilà, donc dis-nous un petit peu, donne-nous envie de venir jusqu'à Goutla la semaine prochaine. Alors, on a déjà une programmation cinéma. Voilà, c'est vraiment le cœur de l'événement qu'on a travaillé avec le réseau Trace, mmh. en particulier avec Sébastien Escande, dont on a parlé tout à l'heure, et puis avec le cinéma L'Entracte, qui est donc le cinéma de Boin-sur-Lignon, un cinéma associatif qui est déjà très engagé sur beaucoup de questions sociales et notamment celle des migrations. Donc on va avoir une programmation de documentaires, avec d'abord en ouverture le jeudi 25 « Demain est si loin » de Muriel Cravatte, en présence de la réalisatrice. Et puis, tout au long du week-end, on aura d'autres films documentaires qui vont être projetés plutôt à Goutla. Et le dimanche soir, on a vraiment une soirée assez exceptionnelle au cinéma L'Entracte, avec en fin d'après-midi un documentaire qui s'appelle Midnight Traveler. Et puis ensuite, un film de fiction, cette fois Atlantique, de Mathilde Diop. Voilà, donc ça, c'est vraiment les gros temps forts cinéma. Et nous, autour de ça, on a essayé de tisser en fait une programmation qui s'appuie sur des rencontres, des partenariats qu'on a depuis quelques temps. Donc on a beaucoup travaillé avec le collectif d'accueil de demandeurs d'asile de Boin à Noir-Étable maintenant. C'est avec eux effectivement qu'on a donné un peu corps à ce que propose le Pérou, donc le collectif Pôle d'exploration des ressources urbaines, qui travaille vraiment sur les actes d'hospitalité et sur comment, en recensant des actes d'hospitalité qui ont lieu tout autour de la Méditerranée, ça montre qu'il y a une vraie communauté patrimoniale, c'est un peu leur proposition autour de l'acte d'hospitalité. Donc ce qu'on trouve intéressant, c'est de confronter cette réflexion qui est vraiment... voilà, qui est très global, on est un peu dans quelque chose de, de presque performatif, artistique, avec la réalité du terrain qui est juste autour de chez nous à Bouin et les gens qui se mobilisent dans les collectifs pour accueillir des personnes en exil. Donc ça, ça va donner lieu à un débat le vendredi soir à Goutla à 18h. Mm-hmm. Voilà. Et puis on aura cette même soirée, on vient de l'écouter, Johanna qui a travaillé pendant 2 semaines en résidence au château de Goutla avec une dizaine de personnes qui sont essentiellement hébergées au centre d'accueil de demandeurs d'asile de Saint-Urin, donc à côté de Noir-Étable, juste à côté de chez nous. Et ensemble, ils ont écrit, fabriqué, réalisé un film. Donc ça, c'était la première partie de la résidence qui a lieu en août. Et là, ils vont le mettre en musique la semaine prochaine, juste avant l'événement, pour pouvoir le jouer en ciné-concert. La bande-son sera aussi enregistrée. Et du coup, ce film va pouvoir vivre et voilà, un peu rejoindre une cinémathèque de l'hospitalité à laquelle participe aussi le Pérou. Donc ça, c'est vraiment pour le côté spectacle vivant. On a aussi un spectacle jeune public, enfin deux propositions jeune public en fait. Un spectacle qui s'appelle Le Jeune Yaku. Donc c'est l'histoire du parcours de Yakuba Konaté, qui est donc artiste conteur et qui raconte en musique son exil. Donc ça, il y a 2 séances, le samedi après-midi et le dimanche après-midi. C'est pour les familles et les enfants à partir de 8 ans. Et on a pu aussi bénéficier du partenariat de Trace avec le Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, qui propose du coup une sélection de films d'animation sur le thème des migrations, que nous on a renommé Shortlist, et qui s'adresse à un public un peu plus âgé, à partir de 12 ans. Donc ça, on va le proposer dans une des chambres du château, un peu en mode soirée pyjama, le samedi en fin d'après-midi. Et puis, juste pour terminer, peut-être, on a quand même un moment plutôt de table ronde, conférence. Donc, c'est ce qu'on a appelé la conversation autour d'une boussole, parce que la boussole, c'est un objet manifeste qui a été créé par Mireille Delmas-Marty, qui est une juriste, et le plasticien Antonio Beninca, qui a été installé à Goutla et qui va vraiment nous accompagner, nous, tout au long de notre saison culturelle. Et cet objet parle des migrations, en fait, à travers... une espèce de tension entre inclusion et exclusion et intégration, qui est voilà, une des tensions qui est repérée par cette boussole dans les grands vents de la mondialisation. Bref, en tout cas, nous, on s'appuie aussi sur cet objet, sur toute cette pensée de Mireille Delmas-Marty pour un peu travailler ce conflit des hospitalités. Donc on a invité Guillaume Leblanc, qui est philosophe et qui, lui, est vraiment... travaille vraiment cette question du conflit des hospitalités. Sébastien Thierry pour le Pérou. Et puis, on aura une géographe, Daphné Velay, qui est aussi doctorante en lien avec Tous Migrants, du côté de Briançon. Et Simon Plantier, qui est bénévole au Refuge Solidaire. Donc là encore, on va être vraiment dans un débat, une discussion autour de différentes pratiques et représentations de l'hospitalité. Et Philippe Anus aussi, et oui, Sarah, bien sûr, pardon, Philippe Anus, historien qui a très souvent participé et contribué à Trace aussi en région. Qui va être vraiment chargé de l'animation de cette conversation du samedi après-midi. Mm-hmm. Ça, ce sera à 16h30 le samedi 27 novembre prochain, donc au château de Goutla. Des associations locales invitées, je pense, en projection. Vous avez aussi fait appel aux ressources du Grand Luxe, par exemple, à Saint-Étienne, oui, qui va proposer une petite session de visionnage avec une série de films qu'ils ont pu présenter d'ailleurs lors de leur dernière session de visionnage en septembre-octobre dernier. Là, oui, il y a certains films, effectivement. Quelques propositions qui vont être reprises. Oui, c'est vraiment une carte blanche, en fait, qu'on a. De l'ethno-cinéma, du Jean Rouge. Tout à fait. Et autres. Ça, ce sera donc le samedi soir, vraiment une soirée Grand Luxe avec des projections. Voilà, avec un projecteur 35 mm, un projecteur 16 mm, des copies assez rares apparemment. Voilà, les cinéphiles apprécieront, et pas seulement, parce que je crois que c'était vraiment aussi pour nous l'idée de faire un peu un pas de côté dans cette programmation de films. Et puis nous, on parle beaucoup des migrations finalement sous un angle très contemporain. Et là, c'était aussi l'occasion de renouer avec ce que tu disais, Léla, tout à l'heure, aussi de l'immigration et... s'intéresser à ce qui s'est passé dans les années 50, 60 et 70 avec ces films dénichés par Grand Luxe. Qui sont aussi des fondamentaux, finalement. Oui, tout à fait. Donc on sera content de redécouvrir ou de découvrir. Et puis, parmi les résidences, si je peux me permettre, parmi les résidences qui vont être restituées lors de l'événement, il y aura celle que j'ai eu le plaisir de faire avec Sandrine Binou, photographe, et Dan Charles Dahan, qui est créateur acousticien. Et donc, nous avons eu une résidence qui a duré une semaine au début du mois de septembre, fin août, début septembre. Oui. et où on a pu travailler justement sur cette question du petit commerce et du commerce de proximité en milieu rural, dans les petits bourgs et petites villes du milieu rural, et de voir comment le kebab pouvait être un lieu un peu révélateur des différentes problématiques à la fois sociales, d'accueil, d'hospitalité, de place de l'étranger, d'altérité en centre-ville, et comment il permet aussi de parler de cette question de la dynamique ou de l'effondrement ou de la fragilisation du petit commerce en centre-ville. Et donc, on va pouvoir rendre compte, faire un point d'étape de l'ensemble de la recherche et de la production filmique et sonore qui accompagne cette recherche, qui l'accompagne parce qu'elle participe aussi à la recherche. Et donc, vous avez en fond sonore la bande son du film qui est visible sur YouTube. Si vous tapez Rue des Kebabs, vous verrez ce film de 10 minutes qui rend compte du premier volet du travail qui a été effectué en milieu urbain à Saint-Étienne, Clermont-Ferrand et Montluçon sur l'année 2019 et 2020. Et donc, le film est sorti en décembre de l'année dernière et nous préparons un deuxième volet donc, sur la partie plus rurale du territoire Auvergne-Rhône-Alpin. Et donc, au château de Gouttelat, nous allons présenter une exposition des photos réalisées au cours de ce travail. Et puis la projection du film qui donnera lieu à une discussion et à des échanges, je l'espère, vivants et animés à l'issue de la projection et de la présentation de ce travail-là. Donc c'est aussi ce qui est intéressant dans ce genre d'événement. Sa place par mérite. Au final, il faut prendre des risques, il faut avoir du courage. On avait mis un peu d'argent de côté. J'ai travaillé à l'époque chez Bréa dans la fonderie. Et un jour, avec ma femme, je me suis décidé, je dis, est-ce qu'on va planter un restaurant? Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Et puis j'ai trouvé la place, c'était bien. Et ça fait 20 ans qu'on est là. Voilà, un petit extrait sonore de Rue des Kebabs qui va être présenté. Alors c'est un peu un dénominateur commun justement entre les deux événements, puisque finalement Rue des Kebabs va être présenté à la fois sur Château de Gouttelat et puis également sur le rendez-vous stéphanois à la Michael Lake Tardy le 4 décembre au matin, où tu présenteras sous forme aussi de plateau radiophonique d'ailleurs et ce deuxième volet, ce travail toujours en cours. Oui, voilà, parce qu'en fait ça devait être présenté l'an dernier au Méliès. On devait faire un travail avec une écoute sonore, une découverte d'abord sonore du sujet, puis ensuite la découverte du film. Et puis le Covid nous en a empêchés. Et du coup, cette année, on le présente à nouveau à Saint-Étienne. Il va falloir qu'on aménage un peu les choses, parce que Dan, qui était très moteur dans sera pas mobilisable aussi facilement que c'était prévu, et autre effet du Covid. Et donc on aura une présentation plus réduite, plus j'allais dire domestique, resserré, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, plus resserré du travail à l'Amicale Laïque, mais ça permettra de rencontrer le public stéphanois qui se l'appropriera à partir de sa propre expérience. Tout à fait. Voilà. Et de bien manger aussi. Et de bien d'ailleurs manger, parce que voilà, à Gouttelat, comme à Saint-Étienne, nous aurons le plaisir de déguster les kebabs du coin. Juste avant d'enchaîner peut-être sur le rendez-vous stéphanois, tout d'abord on va rappeler que le château de Gouttelat a un site dédié, bien sûr, on peut retrouver toute la programmation en détail. C'est châteaudegouttelat.fr, tout accroché en minuscules, c'est tout simple. Et vous avez bien sûr l'ensemble de cette programmation Images Migrantes, regard sur l'hospitalité proposée par Gouttelat du 25 au 29 novembre. Et il faut réserver, oui, si possible. Et puis surtout peut-être de par les conditions aussi là qui évoluent, on ne sait comment, mais il vaut mieux être prudent en effet. Et puis on va juste profiter aussi pour saluer Habiba Zeraga qui nous a enfin rejoint. Bonjour Habiba. Tu arrives un peu aussi là en travaillant en cours. Hein. Ouais. Bon, mais en tout cas, bienvenue. Merci. Au micro de Dio. On va rappeler qu'on a évoqué Sébastien Escand, qui est un coordinateur régional du réseau Trace, et que tu as étoffé et rejoint l'équipe Habiba de Trace sur le réseau régional, mais qui tombe aussi à point nommé, puisque tu, ici, toi, es installé à Saint-Étienne, et que tu peux assurer aussi finalement cette coordination et ce relais local. Ouais, tout à Saint-Étienne, en place depuis déjà quelques mois. Depuis le mois de juin, oui. Depuis le mois de juin. Et une rentrée chargée, puisque tu as fait une entame de poste finalement assez, assez brutale, peut-être pas, mais en tout cas dense. Oui, dans le feu de l'action. Avec Images Migrantes et le rendez-vous lyonnais qu'on a évoqué à la rentrée. Oui, tout à fait. Tout s'est bien passé. Oui, ça s'est plutôt très bien passé. Le public était au rendez-vous. Nos invités, le public et les bénévoles étaient contents, donc nous on est contents. Peut-être juste avant d'enchaîner avec Saint-Étienne, justement ton regard, appréciation un petit peu du réseau Trace et de cette activité foisonnante ici là sur Saint-Étienne, et en présenter peut-être un petit peu ces grands axes, sa constitution même peut-être de ce comité local existant là comme ça, et force de proposition sur Saint-Étienne et le département. Tu veux parler spécifiquement de Saint-Étienne? Oui, peut-être. Du réseau à Saint-Étienne. Mmh. Ouais. De la Loire. Ouais. Et ben moi je suis très très heureuse d'avoir rejoint le réseau Trace. Les missions sont hyper intéressantes. Et on est très heureux de te voir arriver, hein, quand même, parce que c'est une précieuse aide. Très contente de venir étoffer l'équipe de Trace. En fait, on est une toute petite équipe, mais on a des projets et une programmation très ambitieuse. Et là, pour le festival à Saint-Étienne, on s'associe avec la CIMAD et pour la soirée de lancement avec le festival Face à Face. Donc voilà, les partenariats sont en train de se mettre en place. Moi, je trouve ça super chouette qu'on arrive je ne sais plus dans quel ordre on le dit, mais quelque chose comme ça, qui existe depuis de nombreuses années à Saint-Étienne. Et du coup, ils ont leur festival en même temps que nous. Et moi, je trouve ça super qu'on arrive à faire des choses ensemble et pas en concurrence. Donc pour la soirée de lancement du festival à Saint-Étienne, on s'associe à Face à Face pour présenter un film qui s'appelle Shelter, Farewell to Eden, qui est sorti en 2019 et qui est un film italien de Enrico Massi. Et c'est un film dans lequel on suit Pepsi, qui est une personne qui est en permanente transition, qui part des Philippines, qui se retrouve en Libye, dans la Libye de Kadhafi, et qui ensuite se retrouve en Europe. Et là, il y aura une discussion à l'issue de la projection, et il y aura deux associations pour animer cette discussion. TransAide, qui accompagne les personnes transgenres, et Aurore Stéphanoise, qui accompagne et héberge des personnes LGBT, notamment migrantes. Merci Habiba pour cette soirée d'ouverture, présentation croisée avec ces questions de genre et Face à Face, le festival en effet. Ce sera un rendez-vous cinéma Méliès. Oui, le 3 décembre. Le 3 décembre, et ça nous permet de poursuivre avec bien le programme attendu encore sur les deux jours suivants. Alors pour le cinéma, on a dû du coup laisser un petit peu de côté l'idée du Méliès pour accueillir ce rendez-vous, étant mobilisé aussi par Face à Face. Mais Images Migrantes va être proposé sur le quartier de Tardy, oui, et notamment ça. Son amical laïque, où auront lieu l'essentiel des événements, propositions, projections, rencontres. Oui. Du coup, à l'amical Tardy, ça se passera les 4 et 5 décembre. Du coup, le 4 décembre, à 11h, on commence avec cinéma, kebab et quartier populaire, la proposition de Catherine Gauthier, avec un film d'une quinzaine de minutes et des podcasts, un podcast. Oui, alors on va voir comment on peut le mettre en place. D'une vingtaine de minutes. Il y aura aussi quelques photographies. Oui, une exposition photo. Voilà, pour accompagner le travail et une discussion avant de se régaler de kebab. Peut-être Marion, tu peux compléter sur la suite ? Alors, l'après-midi, on entame sur la question des mineurs isolés, l'accueil des mineurs isolés, qui est une vraie problématique à la fois nationale et stéphanoise, entre autres. Voilà, donc le film s'appelle Green Boys. C'est un film français qui parle de l'histoire, en fait, et de la sympathie entre un mineur isolé qui est accueilli dans une famille et le jeune garçon de cette famille. Voilà, c'est un film très riche, très très doux et très, voilà, c'est une véritable échange entre ce jeune garçon et cet adolescent étranger. Voilà, et le débat sera animé ensuite par la Maison Solidaire et le collectif pour que personne ne dorme à la rue et la CIMAD. Peut-être que tu peux nous dire quelques mots justement de la Maison Solidaire et le collectif pour que personne ne dorme à la rue. Le collectif pour que personne ne dorme à la rue est un collectif très large qui regroupe toute une série de partenaires et beaucoup d'associations qui font justement de l'accueil et qui hébergent des mineurs isolés entre autres et des familles qui n'ont pas de logement et qui beaucoup qui sont demandeurs d'asile qui devraient être hébergés par la préfecture et qui ne le sont pas. Et donc il y a une solidarité qui s'est mise en place avec beaucoup d'associations qui accueillent ces familles qui sont à la rue. Dans le collectif, nous en faisons partie, la CIMAD, il y a aussi le Secours catholique, voilà, toute une série d'associations qui se réunissent très régulièrement. Le Valentin Porte, l'animateur, plus que l'animateur, est très très investi dans ce qu'on appelle la Maison Solidaire, qui accueille donc aussi des mineurs isolés et qui a mis en place un réseau absolument extraordinaire de familles aussi qui accueillent ces mineurs isolés. Voilà. Voilà, et ensuite on va enchaîner à 18h sur un film sur la question des frontières. Pardon. Sur trouver asile. Ah oui, pardon. Ah, j'oublie. Heureusement qu'Aniba me rappelle alors. Bon, c'est trop foisonnant. Donc à 16h, je vais te laisser présenter Trouver asile. Oui. Alors on a fait une petite thématique avec plusieurs courts-métrages autour de la question de trouver asile. Et du coup, on va présenter une série documentaire réalisée par Olivier Rocher et Laure Gracq qui s'appelle « C'est libre ». Et donc ce sont plusieurs courts-métrages sous forme de diaporama sonore. La forme est assez belle. Et en fait, à chaque épisode, on trouve l'histoire d'un lieu de vie de demandeur d'asile ou de mineurs non accompagnés aussi. Alors ça peut être des squats d'habitation, un CADA ou chez des citoyennes solidaires. Et donc ça donne une idée un peu de la débrouille qui se met en place quand on essaie de trouver asile en France. Et ensuite, on aura un film d'un réalisateur stéphanois qui s'appelle Steve Olanier, qui a réalisé le portrait de 5 mineurs isolés qui résidaient au foyer Claire Vivre, qui est un foyer de jeunes travailleurs au-dessus duquel Radio Dio avait ses locaux. Durant de longues années. Jadis. Ouais. et du coup, les jeunes racontent leur parcours d'exil et comment ils vivent aujourd'hui et maintenant. Alors, on a la bonne nouvelle d'avoir Pascal Bonnard, un chercheur de l'université Jean Monnet, qui accompagnera la discussion autour de trouver asile et aussi la discussion suivante autour de la thématique de « À travers les frontières », à 18h, « À travers les frontières », avec un petit court-métrage d'animation qui est très beau, qui s'appelle « Tente 113 Idoménie ». C'est un documentaire suisse réalisé en 2020 par Henri Marbacher, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et ensuite, on verra le film Begzor Begzar de Bijan Anktil, qui est un réalisateur iranien, je crois, qui l'a réalisé en 2019. Et en fait, c'est un film où on retrouve deux personnages qu'il avait déjà mis en scène dans un autre film, La Nuit Remue. Ces deux personnages s'appellent Hamid et Sobhan. Ils sont arrivés clandestinement d'Afghanistan. Et en fait, ils se retrouvent et... par le biais de l'octroi ou pas du statut, ils vont être plus ou moins séparés. Voilà. Et ensuite, à 21h, on poursuit avec Trouver refuge, avec le film magnifique de Muriel Cravatte, Demain est si loin. Je crois qu'il est passé à Goutte-là. Jeudi 25. C'est vraiment, là pour Muriel Cravatte, c'est vraiment la petite tournée pour montrer son film qui est magnifique. Et donc, ça se passe à la frontière italo-française autour de Briançon. Il y a un endroit qui s'appelle le Refuge Solidaire, qui vient en aide aux personnes qui font cette traversée de la montagne, parfois dans des conditions voilà, climatiques rigoureuses. Et on suit la solidarité qui se met en place là-bas. Et on a affaire aussi à la criminalisation et à ce nouveau délit qui est le délit de solidarité. Et donc la réalisatrice sera présente. Oui, j'ai oublié de dire que quasiment tous les films sont montrés en présence des réalisateurs et réalisatrices. Oui, ça c'est ce qui fait aussi qu'un festival est vivant, c'est le privilège des festivals, c'est de pouvoir accueillir les réalisateurs ou les producteurs ou les auteurs, mais en tout cas ceux qui font les films, quoi. Donc, et ça, pour les réalisateurs et réalisatrices, ils sont vraiment très contents parce qu'avec le Covid, il y a eu beaucoup de festivals qui se sont passés en ligne. Et du coup, là, rencontrer le public, en direct, les équipes, pour eux et elles, c'est très important. Mmh. Alors, il nous reste quelques minutes, je crois. Ah oui, quelques minutes. Voilà. Je voulais juste profiter de cette présentation de ce dernier film et cette question de la frontière italo-française avec la disparition d'Hubert Jourdan qui a accompagné Cédric Héroux dans l'accueil et l'accompagnement aussi de ces personnes d'Emmaüs Roya, donc la vallée de la Roya là-bas, qui vient de disparaître hier et qui a été rappelée récemment par Cédric Héroux, de par aussi tout ce travail qui a été réalisé depuis et qui est toujours en cours, bien sûr. Il reste vraiment quelques minutes. Je ne sais si on poursuit sur la présentation détaillée de la dernière journée, mais peut-être rapidement. On a du coup un film sur la santé mentale et l'interprétariat. Avec Les mots des autres de Antoine Dubeau, qui est un réalisateur lyonnais, qui sera présent. Ensuite, on a le film Tidiane autour de la lutte pour un hébergement décent. Et surtout, je voulais mettre le focus sur Maître, qui est un film sur le droit des étrangers de Sven De Pau, qui est sorti en 2021. Et en fait, c'est une avant-première nationale. Le film ne sortira qu'en 2022 et on a eu la chance de pouvoir avoir ce film. Qui se passe dans le bureau d'avocates spécialisées dans le droit des étrangers. Voilà, je tiens à le souligner parce que la production et la distribution nous a demandé de le faire. Bah oui, c'est important, c'est pas rien. Ouais. Un vrai coup de cœur, ce film. Ouais, et il est magnifique aussi. Je voudrais juste rajouter qu'il y a deux avocats avec qui la CIMAD travaille énormément qui seront présents pour animer le débat à l'issue de la projection. Oui, super. Bon, bah, sur la question de la santé aussi, on peut rappeler, dans les acteurs aussi locaux qui composent et participent un petit peu à cet événement et à ces questions, il y a le Comed, qui travaille sur aussi cet aspect-là. Je ne sais pas si vous voulez les présenter en quelques mots, mais ils seront présents aussi, bien sûr, pour accompagner et présenter ces films. Oui, ouais, on a invité le Comed à venir parler de leur travail, notamment en santé mentale. C'est une des rares associations qui offre des soins aux personnes, même celles qui n'ont pas de papier. C'est très difficile d'avoir des soins. Et donc on aura François Roussel, qui est psychiatre bénévole au Comed, qui sera présent. Et je voulais aussi citer Valérie Salapala, qui sera là pour discuter autour de la lutte pour un hébergement décent. Voilà, ça se passe les 3, 4 et 5 décembre à Saint-Étienne, Méliès pour la première soirée, Amical Lake de Tardy durant tout le week-end suivant. Vous avez là aussi toutes les infos en détail. Alors d'abord, de par les programmes qui circulent un peu ici et là, puisque ça y est, l'impression est faite et le programme est disponible. Donc dans tous les bons points habituels, je dirais, sur les réseaux sociaux et le net, bien entendu. On n'a qu'à renvoyer aussi vers le site dédié de Trace, trace au pluriel -migration.org, où là aussi l'ensemble de cet agenda est proposé et détaillé. Marion. Je voulais juste rajouter que pour ce qui concerne donc Migrants Scène, donc il appartient un tout petit peu plus spécifique de la CIMAD, vous pouvez vous rapprocher donc de notre site internet et surtout de notre page Facebook. Vous aurez les autres animations. Et oui, parce que programmation élargie pour Migrants Scène, on aura l'occasion peut-être de le rappeler aussi sur ces ondes. Oui, il est là pour terminer. Et pour charger notre super équipe de salariés et de bénévoles, les charger de travail en plus. Bien sûr, c'est un temps fort, mais on est en préparation d'autres événements dans le cadre de Trace. Et je ne serais pas étonnée que d'ici le premier trimestre 2022, on rejoue Images Migrantes à Montbrison, à Rive-de-Gier. Et parce que c'est aussi l'occasion pour nous de dire, hein, au-delà de Saint-Étienne, que nous avons la chance de pouvoir travailler avec des équipements culturels, avec des cinémas d'art et d'essai qui ne font pas qu'héberger des actions, hein, mais qui font un travail, qui continuent leur niche d'engagement citoyen. Et donc, on a une très belle filmographie qui s'étoffe sur les différents sites des acteurs de Trace et qu'on essaie de fédérer au mieux sur notre page Trace du réseau, du réseau Trace. Bref, utilisez, n'hésitez pas à contacter les acteurs de Trace si vous avez eu un film, un doc qui vous intéresse, un spectacle. Et si, voilà, et s'il faut le présenter dans une école, une structure d'éduc-pop ou pas, ou peu ou ailleurs, la vocation de Trace, c'est de faire circuler ce qui se produit ici et là. C'est important de le dire. Oui, merci, Léla. Ouais, merci. Et on aura l'occasion aussi de le relayer sur ces ondes si des événements sont à venir sur ce premier trimestre 2022 et d'autres rencontres, d'autres échanges toujours sur ces questions. Merci à toutes et tous. On va juste terminer peut-être avec un petit agenda très rapide, comme à notre habitude dans l'émission du Grémos, Catherine. Mm-hmm. Tout d'abord, dans cette même veine et cette même question, on les a reçus, en tout cas en interview cette fin de semaine. Je ne sais pas si vous connaissez la coordination Passons-nous nationale qui a lancé un tour de France des quartiers populaires intitulé Nos quartiers ont de la gueule, dans le cadre de ce contexte aussi d'élections présidentielles en perspective, bien sûr. L'idée est de faire un tour de France, 45 villes étapes. Toute l'équipe, les bénévoles et autres sillonnent comme ça la France. Ils sont en train de remonter la vallée du Rhône et d'arriver sur notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils seront à Saint-Étienne ce dimanche après-midi sur le quartier de Terre-Noire. Donc c'est un camping-car qui circule. Ensuite, des stands se présentent et puis des échanges, des propositions. L'idée est de relayer, récolter la parole et la réalité des habitants et habitantes des quartiers et puis de faire des propositions concrètes. Ça devrait aboutir à une sorte de manifeste qui sera présenté aux éventuels candidats à cette présidentielle. Mais l'idée est aussi de soutenir les luttes et mobilisations locales. Voilà, n'hésitez pas à vous rendre ce dimanche 21 novembre après-midi sur le quartier de Terre-Noire. Là aussi, vous retrouverez toutes les infos sur le réseau Sans Souci pour cette étape Stéphane. Ou presque. Un autre rendez-vous, parce qu'on l'avait reçu aussi ici dans cette émission du Grémos, et on reparle du Méliès, qui accueille maintenant de façon mensuelle, en partenariat avec la librairie l'une et l'autre, des rencontres comme la librairie a l'habitude de le faire. Et c'est cette fois et ce jour un auteur local, il s'agit de Michael Duarte, qui a réalisé un ouvrage Les corps perdus, une histoire des corps de la région stéphanoise de la fin du XVIIIe siècle aux années 1920, et qui retrace cette question du corps, mais dans ce contexte et cet environnement industriel aussi et ouvrier que l'on connaît dans la région. Il était venu présenter avec Jean-Michel Stenner sa thèse à l'époque, ici dans cette même émission. Mm-hmm. Cette thèse vient de donner lieu à une publication aux presses universitaires de Saint-Étienne, au PUZ. Donc le livre, ça y est disponible. Il aura l'occasion, pardon, de le présenter ce soir du côté du Méliès Jean Jaurès à partir de 19h. Et autre publication, Sarah, le château de Goutla, ça paraît ce jour. Il y a l'histoire de Goutla par lui-même. Mémoire intime d'une renaissance. Si tu veux juste en dire quelques mots, parce que c'est une publication du jour qui revient aussi sur l'aventure du château de Goutla, Marcou. C'est une réédition en fait d'un ouvrage de Maurice Damon, qui du coup est quasiment la seule publication universitaire sur la reconstruction de Goutla dans les années 60, par trois groupes sociaux qui se sont rencontrés et qui ont confronté leurs idées et manié la truelle, des intellectuels, des paysans et des ouvriers. C'est l'histoire de cette rencontre-là et de cette reconstruction. Voilà pour Goutla. Léla pour le mot de la fin, définitivement. Vive Passons-nous le 21 novembre, ce soir au cinéma Chaplin de Rive-de-Gier, le film Leur Algérie, superbe documentaire Leur Algérie qui sera présenté à 19h30 avec Trace et bien sûr avec le collectif contre l'islamophobie et pour l'égalité, collectif stéphanois et Trace, on s'est associé. Et puis également le 26 novembre, présence venue d'Olivier Lecourt Grand Maison à 19h au centre social Le Babet pour présenter son nouveau livre qu'il a co-dirigé avec Omar Slaouti, Racisme de France. Et ce sera aussi l'occasion d'aborder une question que nous avions initialement intégrée dans le cadre de la précédente biennale, mais Covid oblige, on a reporté. Oui. Faut-il déboulonner les statues ? C'est aussi une réflexion qu'on voulait aborder avec Olivier, le cours Grand Maison. Et puis le 17 octobre 61 aussi. Pour et cette année anniversaire. Le 31 sera présent. Merci du rappel, Léla. Je l'avais fait dans les magazines de ce début de semaine aussi. Mais merci du rappel, en effet, pour ce rendez-vous, ce rendez-vous du jour ou à venir. On termine en musique, cette fois, définitivement, ce programme en guise de générique de fin, avec Shems, qui est donc programmé, Sarah, au Château de Goutla, le vendredi 26 novembre au soir, à partir de 21h. Shems est une artiste lyonnaise qui... on va dire évolue dans un registre plutôt musique du monde, comme l'on dit, en tout cas autour musique de la Méditerranée, même plutôt. On va écouter le titre El Bocala, je ne sais pas si je prononce correctement, Léla, peut-être Habiba, vous pouvez me corriger. C'est de l'arabe, littéralement, bocal. C'est une pratique algéroise durant laquelle les femmes se retrouvaient pour s'adonner à la poésie, guidées par leur quotidien, l'espoir, l'amour, la nostalgie, l'exil. On écoute Bocala par Shems pour terminer ce programme. Merci Shems, à vous. Shems, ça veut dire soleil. Voilà, eh bien, c'est sous les rayons de l'artiste. C'est bientôt dans le dictionnaire. Que l'on termine. On se retrouve avec le Grémos le mois prochain. Oui. Ciao, bye. Au revoir. Merci. amour.